Chapitre 2. Mais toi, enseigne ce qui est conforme à la juste doctrine. Dis aux vieillards d'être sobres, respectables, raisonnables, et d'être solides dans la foi, l'amour et la patience. De même, dis aux femmes âgées de se conduire comme des personnes qui mènent une vie sainte. Elles ne doivent pas répandre des bavardages malveillants, ni être esclaves du vin. Elles doivent donner de bons conseils, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être raisonnables et pures, à être des ménagères soigneuses, bonnes, qui obéissent à leurs maris, afin que personne ne dise du mal de la parole de Dieu. De même, demande aux jeunes gens d'être raisonnables. Toi-même, tu dois être en tout un exemple d'œuvre bonne. Sois sincère et sérieux dans ton enseignement. Emploie des paroles justes qu'on ne puisse pas critiquer, afin que tes adversaires soient couverts de honte parce qu'ils n'auront aucun mal à dire de nous. Il faut que les esclaves obéissent à leur maître et leur soient agréables en tout. Ils ne doivent pas les contredire et ne doivent rien leur voler. Au contraire, ils doivent continuellement se montrer bons et fidèles afin de faire honneur en tout à l'enseignement qui concerne Dieu notre Sauveur. Car Dieu a révélé sa grâce pour le salut de tous les hommes. Cette grâce nous enseigne à renoncer à une vie mauvaise et aux désirs terrestres pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Elle nous enseigne à vivre ainsi en attendant l'heureux jour que nous espérons, celui où apparaîtra la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous délivrer de tout mal et faire de nous un peuple purifié qui appartienne à lui seul et soit zélé pour accomplir des œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner en usant de toute ton autorité pour encourager tes auditeurs ou leur adresser des reproches. Ne laisse personne d'entre eux te mépriser.